Malgré tes beaux yeux de velours, je n'arrive plus à supporter ta façon de faire au jour le jour, que tout revienne à ton idée. Tu fermes les yeux douloureusement, moi je m'exprime péniblement devant les flammes dansant du feu, dans ce silence comme un adieu. Moi je veux vivre, moi je veux vivre, moi je veux vivre à mon idée. Moi je veux vivre, moi je veux vivre, moi je veux vivre et m'exprimer. En noir, en vert et puis en bleu, le soir la mer fait ses adieux, au jour qui part pour faire sa nuit, l'amour plus tard qui nous unit. Moi je veux vivre, j'ai trop donné. Prairies riantes et ombragées, parmi le rien mais enchanté, où tout respire l'harmonie, durable pour couples unis. Ton visage sensuel et doré, ta robe blanche immaculée, reste en mon cœur un souvenir, apparition qui vient de finir. Moi je veux vivre, moi je veux vivre, moi je veux vivre à mon idée. Moi je veux vivre, moi je veux vivre, moi je veux vivre et m'exprimer. En noir, en vert et puis en bleu, le soir la mer fait ses adieux, au jour qui part pour faire sa nuit, l'amour plus tard qui nous unit. Moi je veux vivre, j'ai trop donné. Timbre discord dans ta voix, déclare des regrets dans mon cœur. Il est à toi de faire un choix, oh oui, de changer ton humeur. Moi je veux vivre, moi je veux vivre, moi je veux vivre à mon idée. Moi je veux vivre, moi je veux vivre, moi je veux vivre, à mon